Voici pour terminer cet aperçu de Charles Péguy, sept quatrains célèbres, extraits d'un long poème intitulé « Tapisserie d'Ève », publié en 1913. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre, heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre, heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu, parmi tout l'appareil des grandes funérailles. Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles, car elles sont le corps de la cité de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu, et les pauvres honneurs des maisons paternelles. Car elles sont l'image et le commencement, et le corps et l'essai de la maison de Dieu. Heureux ceux qui sont morts dans cet embrassement, dans l'étreinte d'honneur et le terrestre aveu. Car cet aveu d'honneur est le commencement et le premier essai d'un éternel aveu. Heureux ceux qui sont morts dans cet écrasement, dans l'accomplissement de ce terrestre vœu. Car ce vœu de la terre est le commencement et le premier essai d'une fidélité. Heureux ceux qui sont morts dans ce couronnement et cette obéissance et cette humilité. Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés dans la première argile et la première terre. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Le lieutenant Péguy fut moissonné le 5 septembre 1914 d'une balle en plein front au début de la bataille de la Marne.